Radio Guémozo, je suis Lia, je suis avec toi pour un super moment dans cette nouvelle émission L'Odeur du Son. Tu es bien sur Radio Guémozo évidemment, hein, 107 FM. Tu peux d'ailleurs nous écouter depuis les applis gratuites Orange Radio ou Radio Line. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette émission L'Odeur du Son aujourd'hui? Eh bien, je ferai le relais des infos locales. Tu retrouveras Les Pieds dans le Plat, chronique culinaire présentée par Anne-Sophie, que tu peux retrouver d'ailleurs sur sa page Facebook Vegan So Cake Design pour des pâtisseries vegan. N'hésite pas, auditeur, à aller faire un tour. Il y aura des sons, mes disques chouchous, mais pas que. Et tu vas tout de suite comprendre eh bien, de quoi je parle, car c'est le moment où j'accueille eh bien, mon invité, Rems. Comment ça va? Eh ben, ça va bien. Bonjour Lia. Bonjour. Et bonjour très cher auditeur et auditrice qui nous écoute. Mais ouais, merci beaucoup d'être ici, accompagné aujourd'hui eh bien de tes parents hein, que l'on remercie. Ça a été la neige là, la route. Eh ben oui, on est parti un tout petit peu plus tôt parce qu'on avait peur. Ouais. Et puis finalement, ça a été en roulant doucement, en faisant attention, en doublant les camions. Voilà. Alors tu nous parles aujourd'hui eh bien entre autres de ton nouveau single oui. Déchaîne-toi. Quand est-ce qu'il est sorti ce single? Alors il est sorti en septembre. Septembre, ok. Ouais. Ok. Alors tu vas nous raconter cette histoire tout au long de cette émission, mais si tu devais te présenter en quelques mots, Rems, ça serait lesquels? Eh ben alors en quelques mots, eh ben ce serait Rems, 27 ans, chanteur et artiste. Génial, impeccable, on peut pas mieux faire. Alors on va peut-être planter le décor en musique cette fois-ci. Tu nous racontes l'histoire juste après. On se l'écoute ce nouveau single. Eh ben il y a pas Déchaîne-toi de souci, y a pas de problème. Sur Radio Guémozo, c'est tout de suite. Ne fête, ne change rien, reste qui tu es quand tu es bien, bien habillé. Oublie ce monde qui ne te ressemble pas. Sois jamais tais-toi, c'est le début. Tu ressens les effets, tu ressens déjà tous les faits que tu me fais. C'est l'invitation, l'unique partie en vie tentation. Maintenant c'est ici. Déchaîne-toi, lève-toi et danse. Fais un pas, saisis ta chance. Le reste n'a plus d'importance. Déchaîne-toi, lève-toi et danse. Fais un pas, saisis ta chance. Le reste n'a plus d'importance. Se termine encore une fois. La piste est à nous. Encore une danse avant de s'embrasser. Attendons le bon moment. Profitons de ces instants. Rems sur les ondes de Radio Guémozo, c'était sympa ce titre-là. Merci, c'est gentil. Où est-ce que tu l'as masterisé tout ça, où est-ce que tu l'as enregistré ce single? Alors je l'ai enregistré à Toulouse chez un réalisateur, ouais. Qui s'appelle Guillaume Soulan, où je lui fais une grosse bise aujourd'hui. Ouais, c'était un bon moment. C'était un bon moment. Une expérience que j'oublierai jamais parce oui. qu'il m'a appris plein de choses. Bien sûr, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais déjà ce qu'il m'a appris, c'est vraiment génial. Et puis, j'ai passé 3 jours. On a passé 3 jours à enregistrer 3 titres justement. Ah oui. Et oui. Et donc du coup, sur les 3 titres, je devais en choisir un pour déjà en faire sortir un. J'ai choisi Déchaîne-toi parce que franchement, j'ai passé plus de temps sur celui-là. J'ai passé j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme dedans. Donc j'ai dit, allez, on va sortir celui-là. C'était ta première expérience studio ? Non, du tout, non. Bien avant que je rencontre Guillaume et même mon attaché de presse qui s'appelle Thierry Capdeville sur Paris, et je lui fais aussi un petit coucou. Bien avant tout ça, c'est moi-même qui composais mes propres chansons avec mon petit piano à la maison. J'écrivais mes propres chansons et j'allais dans un studio à Nancy. D'accord. Et puis ce que je faisais, c'est que avec mon frère, on faisait des petits clips que je mettais sur ma page Facebook. D'accord. Et c'est là qu'il y a un attaché de presse, Thierry Capdeville, qui m'a contacté. Et puis de là, on a commencé à parler. Et puis il m'a dit, j'ai un projet pour toi. On a recommencé un petit peu à zéro. Et puis c'est là que j'ai vu Guillaume. Et Guillaume, comme c'est un réalisateur, lui, il fait découvrir des univers à des artistes. Donc du coup, lui, il s'est occupé de moi. Il s'est occupé de ma voix. Il s'est dit, toi, ton registre, c'est ça. On va faire telle musique pour toi parce que ça te correspond bien. Enfin voilà, il m'a trouvé un univers. Il m'a trouvé une couleur à cette musique. Et on a créé Déchaîne-toi et... Wow. Et tu vas nous en parler tout de suite après de ce Déchaîne-toi, comment tu l'as composé, etc., etc. Juste avant, j'ai une petite info de la ville de Remiremont, paf là, qui tombe comme ça là. Et chaque année, un concours photo est organisé dans le cadre de la semaine de la photographie. Et bien cette année, la semaine de la photographie est remplacée par Flânerie, la photo qui réchauffe les rues, parce que Covid oblige, et bien tout le monde, en tout cas tous les événements culturels doivent être un petit peu remaniés, si on peut dire comme ça. Un ensemble de plus de 80 photos et de 8 artistes sur 8 lieux différents. Le concours photo a cependant été maintenu sous une forme par contre entièrement en ligne. Le thème de l'année, c'est les lignes justement. 208 photographies ont été reçues. Le jury a sélectionné 50 photos qui sont présentées au public sur la page Facebook de la ville de Remiremont du 4 au 14 février. Auditeur, tu peux voter en likant sur tes photos préférées ou en indiquant leur numéro par commentaire. Du 4 au 11 février, les photos sont présentées chaque jour par une série de 7 ou de 8. La photo de chaque série qui aura reçu le plus de votes sera qualifiée par une finale présentée du 12 au 14 février. Les 3 photos qui ont reçu le plus de votes dans cette finale seront primées dans le cadre du prix des internautes. Voilà, tu peux retrouver toutes les infos sur le site www.remiremont.fr. Voilà, on fait plein de culture aujourd'hui, on fait plein de good vibes aussi par la même occasion avec Rems, mon invité d'aujourd'hui. Est-ce que tu aimes la photo d'ailleurs? Oui, j'aime bien la photo. Après ça dépend parce que j'en fais tellement beaucoup des fois sur les réseaux sociaux, sur Snap, j'en fais. C'est vrai. Je supprime parce que je dis je suis pas bien, j'ai un œil qui part là, je tire la langue, donc je recommence plein de fois. Alors du coup, Déchaîne-toi, comment il est né ce titre? Est-ce que c'est toi qui l'as écrit? Alors oui, je suis l'auteur de cette chanson. Oui. Après, pour le reste, c'est Guillaume. Oui. Voilà. Tout simplement, c'est que j'ai pris une feuille et puis je voulais parler d'une chanson. Et moi, j'ai pas tellement connu. En fait, j'ai pas eu vraiment d'adolescence. J'ai pas connu tout ce qui est avoir beaucoup d'amis, aller dans des fêtes, en boîte de nuit. Et moi, en quelque part, ça me manque un peu. Ouais. Alors, du coup, j'ai dit, je vais faire une chanson sur la fête. D'accord. Et puis, c'est là, j'ai fait Déchaîne-toi. Et c'est vrai que j'ai un petit peu aussi, allez, on va dire, j'ai un petit peu recopié sur le film, je ne sais pas si vous connaissez Projet X. Oui. Où, voilà, où le jeune, ses parents partent en vacances, il rassemble un maximum de gens chez lui pour faire la fête. Et moi, j'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux, au moins une fois dans ma vie. C'est vrai? Ouais, une fois dans ma vie, faire ça. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir plein. Voilà, faire la fête, faire. Tata et maman sont dans les studios, je ne sais pas s'ils sont d'accord, là. Préparez-vous, hein, si un jour vous partez en vacances, vous serez au courant. La maison sera peut-être pas la même qu'en partant. C'est sûr. Du coup, pourquoi t'as eu un manque de sociabilité dans ton adolescence? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'étais plutôt différent, tu dirais. C'était quoi le... Non, je suis pas différent. Enfin, personne est différent. De toute façon, on est tous différents, j'ai envie de dire. Chacun est unique. Oui, c'est vrai, chacun est unique. Oui, c'est vrai, oui. Et puis, en fait... j'aime pas trop en parler. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis en interview, je suis obligé de parler de moi si j'ai envie. Bah non, si t'as pas envie, passe à une autre question. Si, non. En fait, tout simplement, c'est parce qu'au collège, déjà, j'ai vécu le harcèlement. Eh oui. Donc, du coup, j'étais assez en retrait dans la cour, j'étais tout seul. Bon, voilà, je veux dire, j'ai passé 3 ans comme ça, sans pouvoir rien faire, parce qu'on ne peut rien faire contre ça. Mmh. Je veux dire, si, on peut faire quelque chose. Mais... Bah maintenant, il y a beaucoup de choses pour lutter contre le harcèlement scolaire. D'ailleurs, Radio Guémozo se mobilise vraiment sur ces actions. Hein. On a Cosmos, un slammer qui se mobilise ici dans le coin pour parler de ça. C'est le sujet de ces slams à chaque fois. Le harcèlement scolaire, c'est un vrai fléau. Et justement, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont victimes ou qui ont des enfants victimes de ça à se renseigner. Maintenant, il y a des numéros pour en parler et pour lutter contre tout ça, pour aider les harcelés, mais aussi les harceleurs, parce que souvent ils ont des gros problèmes eux aussi de leur côté, donc c'est très important d'en parler et je suis contente que tu le fasses même. Ah bah. Voilà, c'est difficile, j'ai l'impression que c'est une belle revanche la musique sur tout ça. Oui, c'est une belle, oui quand même, c'est une belle revanche quand même, parce que bon, j'ai pris énormément de coups, mais c'est grâce à ces coups-là que je me suis endurcie aujourd'hui. Et c'est pour ça que, entre guillemets, je vais dire que j'ai un cœur de pierre, parce que pour me faire pleurer aujourd'hui maintenant, c'est dur. Ah non alors. Et puis après le collège, bah évidemment, je suis parti. Alors en plus, je suis très content. C'est une prof de maths qui m'a fait partir de ce collège-là pour passer une troisième, un peu plus calme. Calme, ouais. Exactement. Je me suis fait 2 petits amis là-bas. Et puis j'ai passé une troisième, franchement cool. Bien que évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai eu un grave accident et vram. Donc du coup, l'école, j'étais obligé de quitter la troisième parce que j'étais sur mon lit d'hôpital. Oh bah dis donc. Et ouais, j'ai quand même passé mon brevet. J'ai tenu à le passer. Bon, évidemment, j'étais tout seul dans la classe et puis. Et là, mes amis, on va dire qu'on s'est perdu de vue. Oui. Voilà, donc du coup, il fallait que je fasse un trait là-dessus. Et après, j'ai grandi, j'ai fait mon CAP vente, je suis rentré dans la vente. Et la vente, c'est beaucoup la vente qui m'a aidé. Oui. Parce que la vente, on est tout de suite... On enlève cette timidité qu'on a. Oui. Et puis, on a plus d'assurance aussi envers les clients. Voilà, il ne faut pas être timide. C'est vrai. Et ça m'a beaucoup aidé pendant 6 ans. D'accord. Et après les 6 ans là, j'ai dit à mon père, je dis écoute papa, j'ai envie de faire des cours de chant, je sais pas, j'avais tout essayé, j'avais essayé le judo, j'avais essayé le foot, il y a rien qui me plaisait. J'avais même essayé le violon, ça a duré un mercredi. Bah écoute, il faut essayer pour savoir ce qui nous parle vraiment. Et puis après j'ai fait le piano et puis après le chant. D'accord, ok. Ouais. Et le piano, du coup, tu en joues toujours, ça t'aide pour composer tes musiques? Ah oui, beaucoup, énormément, et puis même aussi pour faire les vocalises. Ouais, c'est vrai. Tu prends toujours des cours de chant? Alors, j'ai arrêté avec mon coach. Ouais. Ouais. J'ai fait 3 ans de coaching vocal. Et puis, de temps en temps, je l'appelle, Et puis, il me dit, viens à la maison, on va retravailler quelque chose, on va retravailler le souffle, parce que c'est très important, la technicité du souffle. Enfin, la technicité du chant, c'est très, très, très important. C'est pour ne pas esquinter les cordes vocales ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois que j'ai un petit doute ou quelque chose, il me dit, allez, passe à la maison, on va revoir ça. Et puis voilà. C'est génial de bien être entouré comme ça, de gens qui te portent et des gens qui te donnent de bons conseils, qui t'encouragent. C'est super, ça. Ah oui, c'est vrai, l'entourage est très important, c'est vrai. Du coup, pour ce titre Déchaîne-toi, à partir du moment où t'en as eu l'idée, tu as commencé à composer et le moment où il est enfin sorti, combien de temps s'est passé? Oh, beaucoup de mois. Je dirais quand même pas loin de 1 an. Oui. Ouais, c'est pas ça, c'est parce que Guillaume à Toulouse, il reçoit énormément d'artistes, donc son agenda est vite fait rempli. Oui. Moi, de mon côté, il fallait que j'écrive le texte, il fallait que je fasse des maquettes pour lui. Les envoyer, les maquettes, me dire si c'est bon, si c'est pas bon, les accords là sont pas tellement bien, par exemple, j'invente une phrase qui est pas bien, réécris là, enfin voilà. Ok. Donc il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de travail avant que j'aille chez lui. Oui. Il y a eu beaucoup de maquettes, beaucoup de brouillons, donc voilà. Ok. Est-ce que c'est facile pour toi d'écrire ? C'est quelque chose qui vient naturellement ? Alors, c'est facile d'écrire quand on a l'idée. Bien sûr. Il faut savoir de quoi on parle et bien entendu, c'est vrai que c'est assez dur parce que quand on n'a pas l'inspiration, merci, quand on n'a pas l'aspiration, c'est difficile. Après, moi je dis que j'ai 27 ans peut-être, mais j'ai encore beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre en message. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire justement ? C'est quoi les sujets qui t'inspirent ? Alors moi, dans la musique, et ça a commencé par mon père, parce que mon père, lui, quand j'étais petit, il faisait des animations. D'accord. Donc les samedis soirs, c'est même drôle ce que je vais raconter parce que non mais parce que j'étais. Il a peur, papa. Il est pas au courant. Parce que j'ai peut-être pas eu d'adolescence. J'ai pas été dans les boîtes de nuit. J'ai jamais été dans des fêtes avec des copains. Mais en revanche, quand j'avais 6 ans, 8 ans, 10 ans. Mon père, il m'amenait dans les soirées les samedis soirs. Et je peux vous dire que je m'endormais, il était 4h du matin. Et tu te déchaînais ? Et je me déchaînais, ah ouais. Sur la piste. Mais ma mère, elle voulait pas que je joue avec les enfants de mon âge. Oh, alors, maman. Elle avait peur, elle me disait, Rémi, va pas avec... Parce que tu sors dehors, on sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Une voiture qui arrive, on se fait vite fait kidnapper, et puis aujourd'hui, on vit dans un monde... Non, mais c'est vrai, il faut maman le dire. Maman poule. Oh, ouais. Elle me disait, tu vas venir avec moi, et je vais t'apprendre à danser. Ah, elle m'a pris génial. À danser le Madison, la valse... les tangos, enfin plein de sortes, voilà. Et en fait, je jouais pas avec les autres, j'allais avec ma mère sur la piste, elle m'apprenait à danser. Oh, c'est génial! Ouais, je suis content parce que c'est vrai que après qu'on allait dans les autres soirées, les gens ils voyaient un petit jeune de 8 ans bien danser, enfin c'était carrément. Tous les yeux étaient sur moi parce que c'était rigolo de voir un petit jeune de 8 ans danser la valse, danser un Madison ou quoi que ce soit, quoi. Et pas un pas de travers. Ah, voilà, j'imagine. Mais en fait, ça vaut toutes les boîtes de nuit du monde ce que t'as vécu. C'est ça en fait. Ouais. Oh bah c'est vrai que quand j'étais petit, c'est vrai. Enfin, je veux dire, je quittais l'école le vendredi à 4h. Je faisais pas les devoirs, je le faisais le dimanche à 20h quoi. Oui. Oh, maman, j'ai un DM de maths. Oh là là. Bon, dimanche à 20h, on regardait les cartoons et puis en même temps on faisait les maths. Bon, ça me valait des 8 sur 20, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, tu m'as pas dit quel sujet vraiment t'inspirait pour écrire. Alors j'ai pas vraiment de... Ça vient comme ça. Oui. Voilà. Mais moi, je sais que si j'ai envie de faire de la musique, c'est grâce à mon père aujourd'hui. Oui. Et puis, comme je suis fan de Céline Dion, parce que j'écoute toutes ses interviews à Céline Dion, C'est vrai ? Ouais. Et puis, c'est sa personne que j'aime bien. Donc, c'est grâce à mon père et aussi grâce à Céline Dion. Ah, voilà. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà vu en concert ? Oh, malheureusement, non. Parce que... c'est pas ça. C'est que... En dehors de la musique, je travaille dans un supermarché, mm-hmm. hein, d'accord, pour pouvoir faire après mon futur métier dans le champ, mais si oui. J'y arrive. Et vous savez, quand je quitte le travail, automatiquement, je refais un autre derrière qui est la musique. Et puis, quand je vois des concerts de Céline Dion, des fois, je me donne beaucoup les moyens, je parle au niveau argent, de mettre plus dans mes projets que d'aller voir un concert. Okay. Alors c'est vrai que c'est embêtant parce que j'ai jamais vu un concert de Céline Dion que je souhaiterais, j'aimerais, mais je me contente de YouTube. Mais pour l'instant t'es jeune encore, t'as mais encore le temps d'y aller. Mais bien sûr. Voilà. Est-ce que le confinement ça t'a aidé pour l'inspiration, la musique ? Est-ce que ça t'a libéré du temps pour la créativité ? Oh vous savez, je vais être honnête avec vous, tout ce qui est confinement. Franchement, pour moi, il n'y avait pas de confinement. Mm. J'ai rien ressenti de tout ça, du Covid, du confinement. Je n'ai rien ressenti parce que je travaillais dans un supermarché. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, c'était toujours métro, boulot, dodo. Oui. En gros. Oui. Donc, je rentrais chez moi. Voilà. Bon, après, il y a le couvre-feu à 18h. Bon, on quitte un peu plus tôt le travail. On est un peu plus tôt à la maison. C'est bien. Donc voilà, mais non, pour moi ça n'a pas changé. Ça, je garde toujours. Et puis même si j'aurais été confiné, par exemple j'aurais été restaurateur, j'ai toujours cette passion de piano, de chant, donc je m'ennuie jamais à la maison. Ah bah ça, j'imagine. Je joue du piano, je chante, H sur 24. J'imagine. T'as un public qui te suit, il me semble que tu es suivi même au-delà de nos frontières françaises. Oui, sur le réseau Snapchat. En fait, je fais ma promotion tout sur Snap. Comme ça, c'est plus facile d'envoyer les liens, et puis voilà. Alors, c'est vrai, à part la France, j'ai des personnes qui viennent de Belgique, et même du Canada. Waouh, c'est génial, ouais. Ça. Alors j'ai 3 personnes qui viennent du Canada et je discute avec eux. Ils aiment mon single, ils me suivent. Alors j'ai envoyé le lien de cette radio, mais par contre chez eux, là il est midi, donc chez eux il doit être 6h du soir. Oui. Non, 6h du matin, je crois. Du matin, ouais. 6h du matin, plutôt. Il y a 6h de décalage. Donc j'ai pas encore eu de retour, mais j'espère que le site, malgré qu'il est français, qui puisse m'entendre. Oui. Ah oui, on a un bénévole qui est suivi au Canada, au Maroc, etc. Ah. Ne t'inquiète pas, ça passe hors frontières. Et de toute façon, cette émission, elle sera podcastée hein, sur notre profil et notre page Facebook Radio Guémozo, sans problème, pour que tous ceux qui le souhaitent puissent réécouter cette émission. Il est venu le moment où je sors un de mes disques chouchous de mon chapeau, hein, histoire de préparer la suite pendant ce temps. On reste dans les grandes voix avec Nina Simone. Est-ce que tu connais ? Oui, j'en ai déjà entendu parler, ouais. Une grande artiste. Ah oui, une grande artiste pour un titre d'anthologie, Feeling Good, forcément. En plus, ça tombe bien parce qu'ici, on est dans la good vibes. On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Simone sur Radio Guémozo, voilà pour cette grande artiste. J'ai été inspirée en grands artistes aujourd'hui en te recevant. Je sais pas pourquoi, les grandes voix, je me suis dit que ça allait te plaire. Oui, c'est vrai, les grandes voix me plaisent parce que après tout artiste est bon. Oui, je dis pas. On a chacun. Voilà, mais c'est vrai que, par exemple, on prend du Céline Dion, on prend, comme on vient d'écouter, c'est des voix travaillées. Oui. Ce sont des. Puis il y a des fois, comme Whitney Houston, ce sont des voix qui viennent. qui viennent, je ne sais pas d'où, mais ils ont des voix, mais ils ont été bénis par Dieu. Alors, je te propose maintenant eh bien, de te découvrir un peu, ou même mieux, de te mettre à nu. Non, n'aie pas peur, hein. Je te demande pas de t'enlever tes habits, il fait un peu trop froid. C'est le moment intimiste. Je t'ai préparé quelques questions pour moi, pour mes auditeurs, pour qu'on puisse mieux te connaître. Est-ce que tu es d'accord? Oh, mais j'adore les questions. Ok. Voici la première question. Rems, quelle est la première chose que tu fais le matin au réveil? Aller faire pipi. Si tu étais une chanson, laquelle serais-tu? Si j'étais une chanson? Oui. Wake me up before you go, go, cause I'm planning on going so low. Yes. Si tu étais un instrument de musique, ça serait lequel? Le piano. Le piano. Ouais. Si tes amis, tes proches écrivaient ta biographie, quel en serait le titre? Alors, le titre... Ah, ça, c'est une excellente question. Je pense qu'on pourrait mettre... un départ. Un départ. C'est poétique. Dis-moi qui ils sont, je te dirai qui tu es. Quels objets se trouvent sur ta table de nuit? Ah, alors, je fais toujours la collection des anges, donc un ange. Waouh, génial. Comment te vois-tu dans 10 ans? Sur scène, j'espère, avec un producteur qui me suit, avec un management, et faire des zéniths ou des petites salles, mais au moins que je sois, que ça, enfin, que la musique fasse mon futur métier. J'espère que tu nous inviteras en VIP. Oh bah oui, sur le parking. Il est pas gentil. Quelle est la chanson que tu adores, mais dont tu as vraiment honte, genre tu te caches pour l'écouter, tu sais, la chanson que tu n'assumes pas. Baby Shark du du du du, Baby Shark du du du du. Si tu pouvais choisir la carrière d'un artiste, laquelle serait-ce? Même si je me doute un petit peu de la réponse. Non, détrompez-vous, c'est pas Céline Dion. Non. Whitney Houston. Ah, pourquoi? Parce que j'aime bien les vies qui sont mouvementées. Ah bon? Ouais. Sa vie, j'ai vu une biographie sur elle. Et franchement, elle était peut-être pas heureuse, mais elle était heureuse quand elle était sur scène. Ouais. Et moi, je pense que c'est à peu près ce qui m'arrive. C'est que quand je suis sur scène ou quand je chante, je suis heureux. Mais au-delà de ça, j'ai pas beaucoup d'amis. Mmh. Je sors pas énormément. Donc c'est vrai que des fois je me retrouve seul et c'est embêtant. Ouais, c'est difficile la solitude. Ouais, quand même. Mais oui. Actuellement. Hein. Oui, c'est vrai. Heureusement que tu as les proches. Oui. Voilà. Si tu pouvais avoir un seul pouvoir, Rems, lequel choisirais-tu? Lévitation. Lévitation. Ah ouais, de voler dans les airs. Ouais, génial. Et tirer où? Partout. Ah ouais, j'irai partout. Mais je crois que la première destination en Laponie pour voir le Père Noël. Ah, t'emmèneras Marion, notre collègue qui fait la matinale, c'est son rêve. Ah bah je l'ai écouté ce matin justement. C'est vrai? Ouais. Bah ça lui fera plaisir. Enfin, la dernière question, Rems, si tu as animé une émission de radio, quel en serait le sujet? Ah, et ben ça c'est bien que vous en parliez. Mm-hmm. Le sujet, ce serait pour les personnes qui sont seules. Un petit peu comme SOS Détresse Amitié. Ah oui. Ouais, parce que je pense que les gens, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de se sentir en confiance. Oui. Et donc, si je ferais une radio, je mettrais un numéro gratuit où ils peuvent appeler n'importe quelle heure, H sur 24, et pour dire qu'ils ne sont pas seuls, parce que s'il y a quoi que ce soit, qu'ils ont envie de parler, qu'ils ont envie de partager, eh ben, je serai là. Ah bah ça, c'est sympa, ça. Quelle solidarité. D'ailleurs, auditeurs, on t'invite, hein, à 03 29 62 40 40, si t'as envie de nous faire un petit coucou ou passer un petit message. Je l'ai beaucoup fait pendant le confinement, justement, pour essayer de casser les barrières de cette solitude que certains rencontraient. Et je trouve que c'est très important. Tu as bien raison. Merci beaucoup, Rems. Je t'en prie, Lia. Voilà. Je pense que c'est l'heure cuisine, l'heure dessert. Mais bon, elle ne nous a pas préparé un dessert. On écoute tout de suite Anne-Sophie, qui met une fois encore les pieds dans le plat, dans sa chronique culinaire. Pendant ce temps, eh bien, Rems, tu vas te préparer pour un petit live. Il n'y a pas de souci. Hein, quelle chanson tu nous as préparée? Alors, comme je suis fan de Céline Dion, oui. Je vais vous chanter « Parler à mon père oui. ». Et en plus, c'est une chanson que mon père, il aime bien me voir chanter. Ah, bah oui, en même temps, c'est le sujet s'y prête. Et voilà. Voilà. Auditeur, régale-toi avec Anne-Sophie. Et Rems, eh bien, va se préparer. Un petit souci technique, là. Rems va se préparer. Puis en attendant, eh bien, on te laisse savourer. Bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs. Bonjour Lia. Aujourd'hui, sortons un peu de la pâtisserie. Je vous propose une recette gourmande pour remplacer la traditionnelle mayonnaise. Facile et rapide, la version vegan saura vous conquérir. Pour ce faire, il vous faudra 200 ml de crème de soja, une cuillère à soupe de moutarde, de l'huile de tournesol, une cuillère à café de jus de citron, une pincée de sel et une demi-cuillère de curcuma pour la couleur, mais c'est facultatif. Et bien sûr, un batteur. Dans un bol, battre pendant environ une minute la crème de soja et la moutarde. Puis ajouter en filet l'huile tout en continuant à battre. Arrêtez de battre quand la texture vous semble assez dense. Enfin, ajoutez le jus de citron et le curcuma, puis battre à nouveau quelques secondes. Et voilà, une bonne mayonnaise maison. Ou devrais-je dire une véganaise maison. Bonne dégustation et à bientôt. Merci Anne-Sophie pour cette véganaise maison. Miam, j'ai tellement hâte d'essayer ça à la maison. Est-ce que tu es prêt? Eh bien, je suis prêt, Lia, pas de problème. Eh bien, on lance ça tout de suite. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais traîner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver des couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Merci Rems. Merci. Eh ben, dis donc, c'est pas très pas trop impressionnant de faire un live comme ça en direct. Non, ça va. C'est comme si j'étais sur scène. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu le trac, mais comme je dis, une fois qu'on est sur scène, le trac, il est partie. Voilà, il est dans les coulisses. Donc là, c'est à peu près pareil. On est dans un studio, mais le track, il est derrière la porte. C'est bien, il faut avoir du sang-froid quand même. Oui, c'est vrai, tout à fait. Qu'est-ce qu'il en pense, papa? Ah bah super, hein. Ah bah super. Oui. Il pourrait passer dans N'oubliez pas les paroles. Ah oui, hein. Tu t'es déjà inscrit parce qu'il recrute pas mal dans le coin. Non, c'est une émission que je pourrais pas faire parce que je connais pas assez les paroles. Oui, c'est vrai. Bah ouais. C'est quand même le but de l'émission. Chapeau. Ouais. C'est vrai, comme ça, de but en blanc, chapeau. Bah oui, hein, faut le faire quand même. Hein. On voit qu'il a du métier, on voit qu'il a quelque chose en lui et ça, c'est formidable. Oui, hein. Ouais. C'est le premier fan, le papa. Oui, oh bah oui. Même sa maman, la maman aussi. C'est vrai. Oui, tout à fait. Ah oui, dans la voiture, il n'y a que mon single. Déchaîne-toi, lève-toi et danse. Bah, ça doit être super de pouvoir être soutenu par sa famille et que voilà, ses proches acceptent ce choix, parce que c'est quand même un choix particulier, la musique. Mmh. Et voilà, vous n'avez jamais douté, vous l'avez toujours encouragé dans tout ça. Oui, moi, je n'ai jamais trop, poussé. Hein. Oui. Jamais poussé, parce que je pense que ça, faut que ça vienne lui-même, oui. Hein, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est venu par petit à petit. Oui. Et il est vrai que dans le contexte, il vit avec des parents, déjà un père qui est musicien, oui. Un frère qui est aussi musicien, un autre frère qui est artiste aussi, parce qu'il est dessinateur et tout. Wow. Donc bon, c'est vrai qu'il vit dans un milieu quand même artistique, quoi. Voilà, artistique. Ouais. Donc on peut dire qu'il est tombé dedans. Et il est vrai que il a raconté tout à l'heure très bien quand on faisait les soirées. Et il est certain que il était avec nous. Hein, oui. Hein, il était avec nous et c'est vrai que d'écouter son père chanter, d'animer tout ça, ça a fait. Et puis voir sa maman danser, ça a permis pour lui d'avoir des ouvertures. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il l'a, parce qu'il le démontre encore, hein, parce que là, c'est vrai, de but en blanc, comme ça, voilà. Oui, il faut pouvoir le faire. Hein. Oui, voilà, je dis chapeau. Vous aussi, vous chantiez alors, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. À quand un duo, là? On a déjà fait des duos, parce qu'on a fait les télétons avant le confinement, l'année dernière. Oui. On a ramené de l'argent pour le téléthon, on l'a fait sur 2 ans. Donc, on a fait venir quelques artistes faire un peu participer aussi. Mm-hmm. Hein. Et c'était sur Blamont. La mairie nous a gentiment prêté la salle. Oui. C'était vraiment beau, faire venir des artistes, des musiciens. C'est génial. Et en 2 ans de temps, avec Rémi et moi-même, on a donc on a fait ces concerts pour le Téléthon. Et puis en même temps, comme je suis animateur, chanteur, saxophoniste. Oh, c'est génial ça. Voilà, donc je fais beaucoup d'animations de repas dans le son, tout ça. Et il est vrai que la chanson qu'il vient de chanter, on l'a déjà interprétée devant un public quand je faisais mes balles, voilà. Ah, super. J'allais te demander si tu avais déjà fait de la scène, donc du coup, j'ai ma réponse. C'est quand la première fois que tu es monté sur scène et c'est quoi ton souvenir le plus marquant sur scène, tiens? Alors, j'en ai deux. J'ai deux anecdotes. La première, que je suis monté sur scène, donc j'avais chanté une chanson en anglais. Oui. Et donc, c'était à Dombasle. Mon père, il avait fait une animation, justement, pour les anciens. Et puis, ça, c'était marquant parce que j'étais pas à l'aise parce que, je sais pas, papa, si tu te souviens, mais le jour-là où je devais chanter pour la première fois, sans faire exprès, il y avait un chien qui a traversé la route et on l'avait écrasé. Ah non. Il était encore vivant, mais il s'est jeté sur nos roues. On n'a pas pu freiner avant, bien sûr. Bah, oui. Et de là, ça m'a un peu refroidi, quoi. Et puis après, on était arrivé en retard parce qu'il fallait s'occuper de ce chien. On n'allait pas partir comme ça. Donc on a été voir les pompiers. Et puis après, on était arrivé en retard. Il fallait installer le matériel, tout ça. Il y avait une certaine tension. Et puis moi, je chante toujours au moment du dessert. Donc après, voilà, on arrivait là, c'était calmé. Mais je pensais toujours à ce petit chien parce que je me suis dit, le pauvre, j'espère qu'il va s'en sortir. Ah bah oui. Donc du coup, j'ai chanté. Mais voilà, et puis en plus c'était ma toute première scène. Alors le micro, il tremblait dans la main gauche. Alors je changeais la main droite, c'était encore pire. J'avais le cœur qui battait, poum poum poum poum poum, la voix qui tremblait un petit peu. Mais bon, après je regrette rien parce qu'il fallait bien que je me lance. Oui. Voilà. Oui. Et le second, c'était la première fois que j'avais fait le Téléthon. Alors ça, c'est à noter parce que c'est très important de le dire. Le Téléthon, c'est la mairie de mon village qui, enfin, je les remercie parce que grâce à eux, ils me laissent le cinéma. Il me laisse faire le Téléthon donc c'est à moi de faire mon propre show, de construire mon spectacle. C'est génial ça. Ouais. Mais c'est à savoir que c'est vraiment du boulot parce que bah moi comme je travaille au supermarché, donc je me lève à 4h du matin. Ouf. Voilà, je rentre, il est midi. Quel courageux. Midi, heureusement que la veille on a chargé la voiture, on descend à la salle, on remet tout en place, le matériel, tout ça. Donc moi je fais pas de siège, j'ai même pas le temps des fois de manger. On fait tout de suite les balances, il est tout de suite 16h, le monde arrive à 20h, 20h30. Donc on fait les balances, j'ai pas le temps de faire une mini répétition, c'est 2-3 chansons. Mm-hmm. Voilà, la répétition c'était bien avant, on le faisait à la maison. Et puis après show must go on, et c'était là, j'avais dit à mon père, je dis écoute, là tu vois, il y a une chanson, voilà, je la termine et il y a à peu près une minute d'instrument. Je dis pendant la minute là, moi je vais me changer parce qu'on va attaquer l'autre chanson. D'accord. Et moi j'avais mal calculé, j'avais mal calculé le temps. Mince. Et ouais, il fallait. Alors tout de suite j'ai couru, j'ai posé le micro avant de retourner sur le stage, enfin sur la scène pardon. Et puis je vais tout de suite dans ma loge. Je commence à, puis d'un coup je compte les temps. Je fais mais non, je dis c'est pas possible, je dois y retourner vite fait là. Et j'avais déjà baissé le pantalon. J'allais pas venir en boxeur. Du coup, j'ai tout de suite pris l'autre pantalon, je me suis mis le t-shirt, j'ai été sans chaussures, c'est pas grave. J'ai repris le micro, j'étais sur le stage, j'ai dit allez hop, show must go on. C'est pas vrai. Ouais, c'était très très très très très dur. Mais Elia, pour dire une petite chose, je lui avais dit que tu aurais jamais le temps de changer de pantalon. Il m'a pas écouté, il a eu l'expérience, il l'a vu. Hein. Voilà, la prochaine fois, il écoute. Voilà. Oui, la prochaine fois, je ferai un timing. Puis, je ne mettrai plus ma loge aussi loin. Alors, pour une petite parenthèse, pour les amis des animaux, le chien qui était passé sous la voiture... Il s'en est sorti, on l'avait amené au vétérinaire, donc il est toujours vivant, il est bien, voilà. Ah. Bah oui, après, ça arrive, les animaux qui se jettent sous les roues, c'est pas de notre faute, quoi. Non, mais c'est pénible. Non, mais c'est vrai. C'est comme les cyclistes, je trouve. C'est pénible. Faites attention, Lia, parce que je fais peut-être pas du vélo, mais je cours beaucoup. Et c'est vrai que le nombre de fois des voitures qui me taillent un short. C'est ça. Il y a des cyclistes, ils sont mal positionnés, moi, je trouve. Ils devraient pas rouler dans les bois où tu peux pas doubler, c'est hyper dangereux. C'est vrai aussi. Voilà, attention à vous. Est-ce qu'il y a une différence entre Rems sur scène et Rémi dans la vraie vie? Je trouve quand même, oui. Parce que si vous prenez Rems, c'est le Rems qui est à fond, qui va faire des conneries, qui va chanter, qui est plus extraverti, tu veux dire, peut-être? Ouais, je dirais même frivole, voyez-vous. Par contre, si vous prenez Rémi, je vais retourner avec mon vécu. Je veux dire, avec mon harcèlement, je vais recroqueviller. Exactement. Ouais. Sur moi-même, je vais douter de tout ce que je vais faire. Et puis, je vais dire. Des fois, ça m'est déjà arrivé de chanter une chanson et puis de dire, ça c'est moi, voilà. Et puis, après, je suis moi-même, je suis Rémi, puis je me dis, peut-être que c'est faux, peut-être que les gens ne vont pas apprécier, peut-être que, je ne sais pas, c'est nul, ce que je dois faire. Puis je repense aussi au harcèlement quand il me disait au collège, c'est vrai que ça date, mais ça marque quand même. Il me disait, franchement Rémi, qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Tu devrais, je ne veux pas en dire plus, mais il me faisait comprendre que j'étais une erreur de la nature. Ah, c'est sympa. C'est très sympa, oui. Et aujourd'hui, je suis encore là. Donc, heureusement. Je suis une mauvaise herbe qui ne veut pas crever. Non. Pas de ça ici. Non, mais les enfants sont parfois méchants, très méchants entre eux, et c'est vrai que parfois ça laisse beaucoup de traces. Et je pense qu'il y a des expériences comme ça qui servent en fait pour trouver nos propres ressources en nous et pouvoir continuer d'avancer et se dire j'ai été plus fort que tout ça, et la prochaine fois qu'il m'arrivera quelque chose de difficile, je pourrai à nouveau puiser dans cette force que j'ai en moi pour réussir. Exactement, et oui. Ouais. Ah ouais. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ben oui. Eh ben c'est tant mieux de changer, de transcender, de réussir à transformer cette expérience en du positif. C'est ça le plus important. Parfois, je me dis, des fois, il faut savoir changer les choses pour être encore plus heureux. Oui, c'est vrai. Allez, c'est à nouveau le moment où je te sors un de mes disques chouchou, auditeur. J'espère que tu passes un bon moment avec nous. En tout cas, moi, je suis super contente. Il neige dehors, mais alors c'est grand soleil dans le studio. C'est vrai qu'on passe vraiment un super moment. Maintenant, c'est une artiste que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu connais Kimber Rose? Pour être honnête avec vous, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais écouté une de ses chansons. Et c'est le moment. L'envie de valser, c'est son titre, accompagné du pianiste Sofiane Pamar. C'est tout de suite sur Radio Guémozo et on se retrouve juste après. Ce n'est pas ton passé qui me donnera cet effet. Ce je ne sais quoi, tu ne l'as pas. Et je ne suis pas cette fille-là qui voudra bien t'embrasser, qui voudra bien te serrer fort dans ses bras. Non, je ne crois pas. Ce je ne sais quoi, non, tu ne l'as pas. Non, je ne veux pas t'embrasser. Ce n'est sûrement pas un seul baiser qui me donnera l'envie d'aimer. Non, je ne veux pas t'enlacer. J'ai l'envie de valser. Sans toi, c'est sûr, bébé. J'ai l'envie de valser. Avec un autre, c'est vrai. Ce n'est pas ton sourire, oh, qui me fera oh, frémir. Non, je ne suis pas sous le charme. Devant toi, je garde mon arme. Je ne suis pas si facile. Et même quand tu bats si fort des cils, je n'ai pas non plus l'envie de te dire ces mots doux que toi tu désires. Ne te débat pas si fort, cela déforme le corps. Je n'aime pas voir ces ombres. Une seule chose me touche d'amour. J'ai l'envie de valser. Sans toi, c'est sûr, bébé. J'ai l'envie de valser. Avec un autre, c'est vrai. J'ai l'envie de valser. Me donnera cet effet. Ce je ne sais quoi, non, tu ne l'as pas. Et je ne suis pas cette fille-là. J'ai l'envie de valser. Sans toi, c'est sûr, bébé. J'ai l'envie de valser. Avec un autre, c'est vrai. J'ai l'envie de. Magnifique piano-voix, l'envie de valser. Kimber Rose en feat avec Sofiane Pamar, ce merveilleux pianiste. C'était bien ça? Très joli. Ah ouais. Oui. Hein. Est-ce qu'un jour t'en feras un piano-voix? Oh oui, mais là je suis en train actuellement de faire de reprendre un spectacle pour le Téléthon de 2021, oui. Donc fin d'année, si le Covid me le permet. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas encore sorti de cette pandémie. Mon Dieu. Et donc du coup là je ferai des lives piano voix. Ouais, super. Alors j'ai une nouvelle info qui tombe là encore. Il s'agit d'un défi cette fois-ci. Les Vosges sans supermarché en février, hein, accessible à tous. Ce défi se veut avant tout ludique et bienveillant. Chaque personne participe à son rythme sans culpabiliser. L'essentiel est de favoriser les circuits courts et les Vosges ne sont pas en reste puisqu'un groupe Facebook intitulé Les Vosges sans supermarché vous invite à relever le défi tout en apportant des conseils et surtout en rejoignant une communauté de Vosgiens qui apportent leur expérience. Une super manière de relever le défi février sans supermarché, c'est de se challenger entre potes, famille ou collègues. Les années précédentes, eh bien, certains participants nous ont dit avoir créé des groupes collectifs sur leur téléphone pour mieux s'organiser avec leurs proches, optimiser leur trajet, s'entraider. Cette édition sera plus difficile à relever en raison de la pandémie, mais votre participation sera d'autant plus précieuse. Les petits commerces, artisans, indépendants, marchés, petites fermes, restaurants, artistes ont besoin de soutien et c'est l'essence même de cette action citoyenne et bénévole. Auditeur, va faire un tour sur le groupe Facebook Les Vosges en supermarché. Alors ça tombe mal parce que tu travailles dans un supermarché. Je savais pas. Mais est-ce que ça te donne envie quand même, si un jour tu travailles plus dans un supermarché, de faire un mois sans supermarché et de favoriser le circuit court? Oh, ça, alors ça, c'est une question. Une question piège. Une question piège, oui. Est-ce que vous voulez dire, donc, en gros, je ne serais pas payé alors? Mais non, mais toi, tu arrêtes de travailler en supermarché, tu deviens une star. Ah oui, oui. Et oui. Toi, tu consommes local qu'avec des petits artisans de ton coin. Mais de toute façon, Lilia, on va pas se mentir. Oui. C'est que moi, je travaille peut-être dans un supermarché. Oui. Mais j'achète local. Ah, ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Moi, je préfère vivre les petits artisans. Oui. Qui sont à leur propre compte que un une commerce chaîne, oui. Une chaîne, mais bien sûr, oui. Voilà, après je vais pas en débattre, mais vous savez, tout ce qui est centre commercial, c'est bien pour acheter du papier toilette. Non, mais faut le dire, voilà. Ouais. Moi je dis les choses, c'est bien pour acheter du papier toilette. Après, tout ce qui est alimentaire, je préfère faire vivre un boulanger, faire vivre un boucher, un poissonnier. Au moins il paye ses charges, mais c'est oui. Quelqu'un qui travaille dur, et voilà. Ben oui, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la situation culturelle en ce moment, plutôt délicate, là, avec toutes ces restrictions et ce monde de la culture, pas qui s'éteint, mais en tout cas qui doit se transformer, ça c'est certain. C'est vrai que ça se transforme, c'est vrai. Oui, je pense pas qu'il y aura de fin à ça. Oui. Juste des personnes qui sont en bas de l'échelle et qui vont avoir du mal à remonter. Oui. Après, je pense qu'il faut toujours garder un espoir de... Enfin, il faut être positif, en fait. Il faut toujours être positif, même si c'est dur, parce que des fois, c'est vraiment dur, mais je pense qu'il faut s'accrocher et être soudé aussi. Oui. Je pense qu'il faut être soudé, et c'est qu'en étant soudé qu'on arrivera à... Peut-être pas à déplacer des montagnes, mais au moins à faire quelque chose pour qu'on puisse redevenir normal. Voilà. Super. Est-ce que tu en regardes des lives? Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de salles de concert qui proposent des lives sur Facebook, par exemple. Est-ce que toi, ça t'arrive de regarder des artistes faire des lives sur les réseaux? Ah oui, j'en écoute beaucoup. Bah, là, en plus, il y a Vianney qui en fait beaucoup sur sa page Facebook. D'accord. Ouais. Et moi aussi, j'en fais. Mais des lives, alors, j'en ai fait une fois, mais j'étais très, très déçu parce que j'habite dans un endroit où le réseau n'est pas terrible. Ouais, et à chaque fois, mes abonnés me disaient, oh, ben ça coupe. Ah, mince. Et c'est embêtant quand on fait une chanson et que ça coupe. Ah, bah, oui. C'est vrai que c'est pas. C'est frustrant, quoi. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je prépare mes vidéos à l'avance et je les publie comme ça. Ok. Je ferai plus de live à moins que le réseau soit. Bien. S'améliore. Ouais, voilà. On va faire une pétition là-dessus. Quel artiste écoutait le jeune Rems enfant? Qui écoutais-tu? Oh. Alors ça c'est vrai, j'écoutais Laurie. C'est pas vrai. Ah si, c'était la bonne époque, ça. Je me rappellerai toujours son premier spectacle. Je sais plus c'était en quelle année, je sais plus j'avais quel âge. J'étais en CM2, donc oui. Je sais pas on a quel âge en CM2, peut-être on a 10 ans, peut-être. Oui, c'est ça, 10 ouais, ans. Voilà. Et je me rappelle, c'était le week-end tour. Oh, et j'étais avec une amie, c'était mon Dieu, mais c'était un phénomène, hein, à l'époque. Hein. Voir Laurie, j'étais content. On faisait nos divisions sous le parking, parce que le lendemain, on avait école. Ça tombait le vendredi et le samedi. Je crois, mais en tout cas, je sais qu'on faisait nos devoirs sous le parking. Ouais. Et le lendemain, on avait école. Et puis, ça, c'était aussi un truc énorme qui m'a marqué aussi, parce que c'était ça aussi que je voulais faire quand je la vois descendre de son échelle sur la scène. C'était waouh. Et puis, ouais. Laurie, c'est vrai, tout le monde était fan de Laurie. Encore aujourd'hui, j'écoute ses albums. Elle a changé un petit peu de registre. Après, je pense qu'elle avait pas le choix, parce qu'en grandissant, je pense que. Elle touchait plus la même cible. Peut-être, oui. Mais c'est toujours une grande artiste et que j'écoute toujours ses albums qu'elle fait aujourd'hui. Eh ben, dis donc, infidèle. Oui. Est-ce qu'il y a des futurs projets pour Rems à venir? Ah oui, bah toujours le même, c'est toujours le single Déchaîne-toi, parce que je vais vous expliquer, c'est que à la sortie de Déchaîne-toi, j'avais fait pas mal de promotions dessus, où je suis arrivé à un total de 160 000 vues. Ah oui. Ce qui est énorme. Ah bah oui. Ce qui est bien pour quelqu'un qui n'est pas connu encore. Oui. Et c'est vrai que ma propre promotion, je la fais moi-même. Donc, des fois, je passe du temps, énormément de temps sur mon téléphone. Et puis, mon attaché de presse, il devait faire, évidemment, la promotion, radio, peut-être plateau télé. Et puis, c'est ce qui s'est passé, bah, c'est le Covid. Ah, oui. Et ouais, du jour au lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, bon, bah, voilà, le confinement, tout est à l'arrêt. Oui. Et je pense que ça va être du mal pour redémarrer tout ça, parce que si ça redémarre, Et je les comprends. Je pense que les grandes radios ou même les plateaux télé, ils vont privilégier les grands artistes qui ont déjà une fan base, qui ont déjà une carrière. Donc moi, je me retrouve encore une fois en bas de l'échelle. Et ça équivaut à ce que j'ai dit il y a peut-être 3 minutes de ça, en disant que les artisans aussi, ils ont du mal, ils sont fermés, ils sont en bas de l'échelle. Et je pense que il faut être positif en disant allez, je vais y arriver, j'y crois, mon projet. Et puis si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait, j'en suis sûr que ça va marcher, ça sera fait dans pas longtemps. Bah voilà. Donc le grand projet, c'est la promotion de Déchaîne-toi, c'est encore plus de visibilité sur ça. Ouais, voilà. Voilà. Et puis faire des interviews radio, même des plateaux télé, et puis trouver un producteur. C'est primordial, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ok. Est-ce qu'un jour il sera clippé ce single Déchaîne-toi? Oui, j'avais déjà fait un premier clip dessus. Ouais. Et mon attaché de presse, il l'avait aimé, mais il y avait encore. Voilà, je l'avais pas consulté et il m'avait dit il fallait que je consulte parce qu'il y avait quelque chose qui était pas. Il y avait des choses qui étaient bien, des choses qui étaient moins bien. Mm-hmm. Donc j'étais un peu déçu. Et là, je vais en refaire un. Et je devais en refaire un. Normalement cet après-midi, je devais après l'émission, après ton émission, Lia, je devais partir à Strasbourg chez mon frère faire un shooting photo. D'accord. Et refaire un clip. Et c'est que je me suis cassé le bras. Mais oui. Et oui, et donc du coup, j'ai dû reporter. Donc encore une fois, pas de chance pour moi. Mais on garde le sourire, on garde le sourire et puis chaque chose en son temps, ça viendra. Ouais. Où est-ce qu'on peut le trouver, l'écouter ce titre? Et c'est ça, je l'avais mis sur les plateformes d'internet. Cependant, c'est qu'on m'a conseillé de le retirer. Oui. Pourquoi? Parce que si je cherche un producteur, et il faut pas que mon single soit sur les téléchargements, parce que automatiquement, si moi je le mets en vente sur internet, je deviens moi-même producteur. D'accord. Donc un producteur va pas s'intéresser à moi si je suis moi-même producteur. D'accord. Ok. Et moi, c'est pas ça que je veux. C'est que je veux trouver un producteur, quelqu'un qui essaye de me faire confiance, de signer dans une maison de disques, dans un label. Donc pour ça, on peut l'écouter que sur YouTube. Ok, d'accord. Sur YouTube, qu'est-ce qu'on tape? Déchaîne-toi, Rems. Alors vous pouvez taper. Oui. J'ai mis plein de mots clés. Vous pouvez taper Déchaîne-toi, Rems, ou tout simplement Rems. Et normalement, je suis dans les 2-3 premiers sur ma chaîne. Ok, super. Si on veut te suivre sur les réseaux? Alors Instagram @musicrems, attaché tout en minuscules. Ok. Voilà. Et sur Snapchat, c'est l'inverse, c'est Rems Musique. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Lia, de m'avoir invité. Et puis, c'est très important aussi de remercier les auditeurs et auditrices qui m'ont écouté pendant cette émission de l'heure. On t'aime, auditeur, on t'aime. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Oh, vous savez, je suis heureux, je respire. C'est le principal. Je dors sur mes deux oreilles. Ça, c'est mieux. je pense que ce qu'on pourrait souhaiter, c'est pas pour moi, mais améliorer le monde. Allez, améliorons le monde. Ce sera la prochaine fois que tu feras un titre sur ça. Eh ben, pourquoi pas. Allez, deal. Papa, est-ce qu'il a un dernier mot à nous dire? Je ne sais même pas votre prénom. Patrick. Patrick. Voilà. écoutez, enchanté de repasser petit quart d'heure, ces minutes ensemble. Ouais. Hein, c'est très sympathique. Ou une bonne heure quand même. Très bonne heure. Et moi, je souhaite arriver aussi à notre fils de réussir, de persévérer dans le métier. Ouais. Comme je dis, parce qu'on parlait l'autre jour de musique, je dis la créativité fait, revivre le passé et avancer l'avenir. Waouh. Voilà. Donc je le souhaite et je l'aiderai toujours si je peux à l'aider à créer, parce que je pense que la chose de la vie, c'est la créativité. C'est vrai, c'est très important, la créativité. C'est là qu'on se retrouve. Est-ce que je peux rajouter un petit dernier truc? Bien entendu. Là, j'ai mon portable en face de moi et déjà sur Snap, j'ai déjà des messages en disant que bravo Rémi, on t'écoute. Céline Dion, c'était vraiment super. Donc, je tenais quand même à remercier aussi les personnes qui me suivent. Mais oui. Et je leur fais de gros bisous et aussi, je leur un gros, gros bonjour. Voilà. Bah voilà, on les embrasse tous. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup, Rems, d'avoir accepté l'invitation. Merci, Lia. Cette émission, eh ben, elle sera podcastée, elle sera podcastée tout court sur notre page et notre profil Facebook Radio Guémozo. Elle sera également rediffusée jeudi à midi pour ceux qui auraient manqué une partie de l'émission ou alors qui ont envie de se faire plaisir et de la réécouter encore une fois. Ouais. On vous embrasse tous. Merci, merci beaucoup à merci tous les beaucoup, trois d'être venus. Lia. Merci. Et puis à nos auditeurs, eh bien, c'est comme à chaque fois. On se retrouve d'ailleurs lundi prochain. Mais voilà, prends bien soin de toi, prends soin des autres, auditeurs. On t'aime.